Eu e La cadence cette fois, Rai R&B, un peu d'électro. On est monté dans le nord, tu vois. M-I-N-A, un mal au micro. Un pas de danse, envoie. Un pas et un pas de danse, envoie. Gros, donne-nous le coup d'envoi. Donne-nous, donne pour le nouveau convoi. Gros, on fait de cette nuit une soirée unique. Emmène-moi dans un pays féerique. Éloigne-moi de tous mes soucis, toutes ces prises de tête. Oh, je prends ma bagou et mes potes, je me barre. Le studio bas en haut, le dernier son, c'est nous qui l'avons. Le monde est à nous ce soir, le monde est à nous.